Chapitre 7e, la villa invisible. Mais, comme Essénène disait, en montrant le cadavre de la petite danseuse, « Trop tard, voilà Bianca !» Paulin Broquet vit que de grosses larmes roulaient de ses yeux. Doucement, comme on fait d'un enfant malade, Essénène berçait le corps de la fillette écrasée. Elle embrassait la figure toute pâle de la morte, répétant en mélopée « Quel malheur, ma chérie, pauvre petite, quelle pitié !» Puis elle ajoutait, même tout bas, « Pardonne, oh pardonne !» Paulin Broquet saisit aussi ces dernières paroles, qui ne furent pas sans lui causer un grand étonnement. Pourquoi Essénène implora-t-elle le pardon de cette victime? Pour qui? Vraiment, tout était mystère dans cette merveilleuse mais déconcertante femme. Paulin Broquet enfin se pencha sur le groupe douloureux formé par Essénène et la petite danseuse morte. « Levez-vous, Essénène, lui dit-il avec douceur, « laissez-nous emporter cette pauvre enfant. » Paulin Broquet était populaire. Tout le monde connaissait les exploits du détective. Son portrait avait maintes fois paru dans les journaux. On le reconnut, et son nom courut sur toutes les lèvres. « C'est Paulin Broquet, disait-on, le vainqueur de Zigomard. » Car la défaite de Zigomard avait mis le comble à sa gloire. Respectueusement, on s'écartait pour le laisser opérer à son aise. On se tenait en même temps disposé à lui prêter tout le concours qu'il demanderait. Le public, ému, silencieux, attendait, formait un cercle et suivait respectueusement cette scène dramatique. Aux paroles de Paulin Broquet, la mystérieuse Essénène avait tourné vers lui la tête, et le détective put voir que tout un côté de sa figure était couvert de sang. Elle s'était ainsi tachée, en berçant, en couvrant de baisers, la pauvre petite danseuse. « Prends l'enfant, » dit Paulin Broquet à Gabriel. Gabriel se pencha. Il souleva doucement le corps mutilé, souple encore et tiède, si jeune, si alerte, si souriant à la vie quelques instants plus tôt. Il l'emporta vers la pharmacie voisine. Essénène, pour se relever, s'appuya à la main que lui tendait Paulin Broquet. « Merci, monsieur, » dit-elle. À ce moment, dans la foule jusque-là silencieuse, une voix de femme s'écria « Mais les blessés aussi !» Paulin Broquet et Essénène, surpris, se retournèrent vivement. Au premier rang des curieux se trouvait une femme jeune encore, belle, en costume de promenade du matin. Sous son grand chapeau, une masse de cheveux de cette couleur d'or roux que donne l'eau oxygénée quand les brunes l'emploient avait peine à se maintenir. Deux grands yeux noirs et brillants et vifs éclairaient une figure jolie, artistement préparée, où, sous un nez arqué en bec d'aigle, au-dessus d'un menton accusé et dur, se dessinait une bouche aux lèvres que le trait de crayon rouge dessinait sans doute en les augmentant, mais qu'on sentait mince et dont les coins se plissaient. Sous ses lèvres, des dents petites, blanches, pointues, que dépassaient les canines comme chez les félins, les fauves. Cette femme était belle, certes. Elle pouvait oser, sans ridicule, entrer en comparaison avec Essénène. Sa beauté surprenait assurément, mais ne charmait pas. Son regard de diamant noir, loin d'être caressant, causait une sensation d'inquiétude, de douleur, presque d'effroi. Essénène, en même temps que le détective, s'était tournée vers cette étrange femme. À sa vue, elle tressaillit profondément, mais aussitôt se redressa et elle l'enveloppa de ce regard droit, de ce regard fier, hautain, plein de mépris, de défis qu'elle lançait la veille dans la salle, après avoir, sur la piste du cirque, tracé avec son écharpe de soie verte un grand Z. Pendant quelques secondes, les deux femmes se bravèrent ainsi. Paulin Broquet put voir que la femme aux cheveux d'or roux factice faisait enfin fuir son regard, mais qu'elle plissait la bouche dans un rictus de rage réprimé avec peine et qu'elle laissait instinctivement pointer sous le rouge des lèvres le blanc des canines incisives et cruelles. Alors, de sa voix grave mais très calme malgré elle, Essénène répondit à cette femme « Non, madame, je ne suis pas blessée. Ce sang provient de cette malheureuse enfant qu'on vient de tuer. » Elle dit ces derniers mots « qu'on vient de tuer » avec une intonation telle qu'un frisson parcourut ceux qui les purent entendre. Puis, se tournant vers Paulin Broquet, elle passa vivement sa main sous son bras. « Emmenez-moi, » dit-elle, « emmenez-moi. » Elle fit deux ou trois pas ainsi, puis elle chancela, elle se raidit, buta. « Non, non, » murmura-t-elle, « non, il le faut. Allons, allons. » Mais tout à coup, elle eut un cri de rage impuissante. Elle se sentit vaincue. Elle tournoya sur elle-même et fut brusquement tombée à terre, si Paulin Broquet ne l'eut pas promptement reçue dans ses bras. « Vous voyez bien, » s'écria la femme aux cheveux d'or roux, « j'avais raison, cette femme est blessée. » Déjà, Paulin Broquet avait pris Mécédone évanouie comme Gabriel tenait Bianca, et il l'emportait à grands pas à travers la foule qui s'ouvrait devant lui. Instinctivement, les femmes faisaient le signe de la croix et les hommes levaient leur chapeau comme devant la mort. Il fallut ainsi traverser la place de Clichy. La foule augmentait à chaque minute. Les voitures, les autos, les tramways, fort nombreux ici, s'arrêtaient. C'était un encombrement indescriptible. Et cependant, contre l'habitude, en pareil cas d'arrêt dans le mouvement des rues de Paris, ici, pas de cris dans le public, pas de jurons de cocher, ni protestations, ni insultes. Seul le bourdonnement de la masse qui chuchotait, demandant ou donnant tout bas des détails sur l'événement. La mort passait. Les vivants de la plus vibrante ville du monde rendaient hommage à la suprême force de la nature, à l'invincible destin qui venait de frapper les plus radieuses fleurs de la création. Une jeune fille, une femme. Ah, ce trajet! Pour Paulin Broquet, cette traversée de la place immense, comment s'opéra-t-elle? Combien de temps dura-t-elle? Paulin Broquet pensa que ces quelques instants n'étaient pas pour lui d'une vie appartenant à la terre. Il marcha comme on doit marcher en rêve, et même en sentant en ses bras robustes le poids du corps de Mécédone, même en serrant contre son cœur battant fort la poitrine de la mystérieuse femme, même en percevant sur sa joue le souffle bref et faible qu'exhalaient les lèvres de cette tête adorable, abandonnée sur la puissante épaule, il ne se rendait pas compte de sa réalité. Il n'entendait rien, ne voyait rien. Si sa respiration se pressait un peu sous l'effort physique, il n'en goûtait que plus souvent ce parfum doux et poivré, caressant et prenant, qui était déjà venu à divers moments dramatiques, l'étonner, le charmer. Chez le pharmacien, en attendant la voiture d'ambulance urbaine qu'un agent était allé quérir, on déposa sur un divan, dans l'arrière-boutique, le corps mutilé de Bianca. Paulin Broquet, dans un fauteuil, plaça Miss Hayden avec des précautions infinies. Pour la petite danseuse, plus rien, hélas, n'était à faire. On s'occupa donc uniquement de Miss Hayden. Paulin Broquet, pressant qu'en la soignant, le pharmacien, forcément, découvrirait quelque chose du mystère dont cette femme s'entourait. Et sachant que cela serait sans doute pénible à Miss Hayden, ne voulut pas qu'aucune main autre que la sienne puisse s'approcher d'elle, la toucher. Il y avait là comme un secret grave, qu'un rien scellait, qu'un ruban de cheveux gardait, qu'une mèche de cheveux protégeait. C'eût été non seulement indélicatesse, mais lâcheté de profiter de la faiblesse de cette femme souffrante pour lui voler ce qu'elle ne voulait pas montrer. « Donnez, donnez !» dit vivement Paulin Broquet, « je me charge de tout. » Il s'empara des flacons, des verres, des éponges qu'apportaient le pharmacien et son aide. Et ayant encore prié qu'on le laissât seul avec Gabriel, il se mit à donner ses soins à la jeune femme. Il lui fit avaler le cordial, respirer des sels, et avec des précautions minutieuses, il épongea le sang qui coulait d'une plaie près de la tempe. Il pansa cette plaie, faisant tenir le bandage sans toucher en aucune façon aux cheveux, dont il releva seulement un des larges bandeaux noirs. Ses cheveux étaient noirs, d'un noir implacable. Les sourcils cependant traçaient une ligne châtain, et les cils mettaient une longue ombre dorée sur les paupières violettes, paupières de blonde, qui semblaient transparentes, et comme un mince rideau de soie posé devant le coin de ciel bleu que sont leurs yeux. Secondé par Gabriel, il put faire glisser quelques cuillerées de cordial entre ses dents serrées, ses dents qui étaient deux rangées des plus belles perles du monde. Quelques minutes ainsi se passèrent. Miss Hayden poussa un grand soupir et brusquement ouvrit tout grand les yeux. Elle reconquit aussitôt la raison et le souvenir de tout ce qui s'était passé lui revint. D'un bond, elle se leva, porta vivement la main à sa tête, tâta, étudia avec ses doigts. Alors, elle regarda ce qui l'entourait. Elle reconnut Paulin Broquet, son second. Elle vit la porte fermée, elle comprit. « Merci, » dit-elle seulement. Elle remit son chapeau, rajusta son costume, puis elle ouvrit la porte et sortit avant que Paulin Broquet ait eu le temps de la retenir et même pu lui dire un seul mot. Mais Paulin Broquet se ressaisit bientôt. À son tour, il sortit de la pièce, traversa la pharmacie devant laquelle stationnait la foule curieuse que les agents maintenaient avec peine au-delà du trottoir. À quelques pas, une automobile de grand prix stationnait. Miss Hayden fit un signe et le Watman s'avança. Le valet de pied sauta bas du siège, ouvrit la portière pour permettre à Miss Hayden de s'engouffrer dans la voiture qui partit aussitôt. À peine cette auto fuyait-elle qu'une seconde auto s'élançait à sa poursuite. Cette auto, de valeur égale et de moteur aussi puissant, passa devant Paulin Broquet, qui put voir, penché par la portière, la belle femme aux cheveux d'or factice. Un homme se trouvait avec elle. Paulin Broquet, dont les yeux étaient merveilleux, aperçut cet homme, bien qu'il se tînt comme s'il voulait se cacher dans le fond de l'auto, et le reconnut. « L'Américain » s'écria-t-il. « L'Américain qui était au cirque avec l'homme à la bague portant un Z. » Alors Paulin Broquet éleva la main. Aussitôt, une auto à moteur puissant vint se ranger non loin de lui, sans toutefois s'arrêter. Le détective sauta dedans. « Suis-les » dit-il au chauffeur. « Bien, chef !» répondit celui-ci, qui n'était autre que ma pipe. Poursuite d'ailleurs en aucune façon difficile. Les deux autos qui précédaient marchaient à l'allure des rues de Paris et elles se suivaient à peu de distance. La première ne semblait nullement vouloir fuir. Elle prit les boulevards extérieurs, traversa la place de l'Étoile, descendit l'avenue du Bois. Elle traversa le bois et se dirigea vers Boulogne. Après quelques détours, elle arriva devant une villa tout ombragée de vieux arbres, entourée de hauts murs et dont la grille en fer forgé supportait des panneaux intérieurs qui formaient comme une inviolable porte de fer. Les barreaux finissaient en pointe de lance et sur la crête du mur, des bouquets d'artichauts en fer, également pointus, présentaient une défense sérieuse. La villa, dont on n'apercevait rien du dehors, s'entourait donc d'un frais mystère d'ombre et de fleurs. Au bout de la rue qui y conduisait, le chauffeur de la première voiture fit entendre un appel de trompe à coups espacés, signal convenu. La porte de fer alors roula sur ses gonds silencieusement. L'auto s'engouffra. La seconde auto passa, tout en modérant sa marche, de façon à pouvoir voir l'intérieur de la villa dont la porte restait encore ouverte. Mais la femme aux cheveux d'or ou factice et son compagnon l'Américain en furent pour leurs frais de curiosité. La porte de la propriété demeurait toute grande ouverte, et cependant il était impossible de rien voir de la villa. Deux chemins partaient de cette porte, l'un à droite, l'autre à gauche, remontant vers la maison. Ils contournaient une vaste pelouse qui supportait un massif de fleurs rares, d'arbustes précieux, derrière lequel s'étendait un impénétrable rideau de grands arbres par lesquels la villa se trouvait absolument masquée. De la route, donc, par cette porte, on voyait seulement des fleurs, des arbres. Pour tout le monde, le coup d'œil était certes charmant, mais fort décevant pour ceux qui, dans la seconde auto, avaient fait la poursuite et qui espéraient certainement apercevoir autre chose que de la verdure. Quant à Paulin Broquet, s'il n'en vit pas davantage, il pensa que pour aujourd'hui il en avait assez vu. Il passa donc tranquillement devant la porte de la mystérieuse villa qu'un domestique fermait. Ce domestique, toutefois, attira vivement l'attention du détective et fit naître son étonnement. C'était un noir, une façon de colosse, en livrée. Il était d'une laideur épouvantable, horrible. Sa figure massive, au nez écrasé, aux pommettes saillantes, gardait toujours le même rictus de tête vu dans les cauchemars. L'œil droit brillait seul d'un point de charbon allumé roulant dans un blanc jaunâtre. L'œil gauche disparaissait à demi sous un amas de chair violacée. La bouche énorme, dont la lèvre supérieure était arrachée, laissait voir une formidable rangée de dents de loup. Quand il ouvrait cette bouche, derrière ses dents, la langue n'existait plus, elle avait été coupée. On eût vraiment dit d'une tête de supplicié, disposé pour servir de sujet de terreur, d'effroi. « Le plus laid des hommes, » pensa Paulin Broquet, « est au service de la plus belle des femmes. » Ayant passé la porte, il prit le cornet acoustique qu'il reliait à ma pipe. « À la sûreté, » lui commanda-t-il. « Mais, chef, » lui fit observer le Wattman, « je peux suivre l'autre auto. Inutile, à la sûreté. » Paulin Broquet alors s'enfonça dans son coin pour essayer de dormir pendant le trajet. Il se dit cependant, « L'amorce viendra tantôt fureter par ici. »